mio piacere, quando sono con Pampa. Fai con Pampa, allora pure se ci sono per dire, ci sono. Est-ce que c'était vraiment ça? En fait, c'est justement parce que lui, et comme tu le dis, c'est toi qui as peut-être compris. Je ne sais pas, c'est parce que ce que je t'avais dit verbalement. C'est toi qui as bien compris. Ça dit, madame Torres était agréée et s'est enfermée au bureau d'abord avec le nouveau Skype là, tu parles même pas si il voit. C'est tellement peut-être décédé de ça, n'est-ce pas? Mais là, je suis en train de leur dire que ce n'est pas raisonnable. Et qu'il faut qu'ils donnent un jour de plus avec tout ça, les humains. Mais eux, ils étaient en train de dire, comme moi, je vois ce que je fais. Donc, c'est là, c'est que tout ça, les humains, c'est pas d'accord avec ça. Du moins, pas du tout. Je sais que la conversation va bien pour passer. Canada de la sainteté, bonsoir. C'est moi qui fais mon entrée chez vous. Oui. Ah. Bonsoir, frère. Shalom. Shalom, shalom, mon frère bien-aimé. Là, tu m'as abandonné. Chacun a sa personne. Mais j'ai dû m'émouiller. C'est ça. Tu vois. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre à partir de Munich et du Cameroun. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. La sœur a resté à faire quoi? Elle a monopolisé la conversation, tout ce qu'elle dit depuis plus de 15 minutes par là, on entend tout ce qu'elle dit. La sœur a resté, bonsoir. Je ne pense pas qu'elle entend. La sœur Aristide, bonsoir. Bon, je crois que c'est sûr qu'elle entend. Hein. Bon, on va faire comme ça. Permettez-moi, on règle cela. Écoutez ceci. Ok. La sœur Karine, bonsoir. Donc, elle s'occupe de son précieux mari. Comme la sœur Stéphie s'occupe souvent de toi. La sœur Arissi, si tu nous écoutes, je vais te retirer. Bonsoir. Voilà, voilà présent. La sœur Arissi, si tu nous écoutes, je vais te retirer et puis tu pourras rejoindre le forum. Comme ça va te reconnecter facilement. Je pense qu'il faut que quelqu'un lui envoie le message pour lui dire qu'elle se reconnaisse quand elle a terminé. Mais elle a l'air de causer avec qui? Je ne sais pas, mon frère, mais on a quand même entendu toute la conversation. Si on pouvait raconter ce qu'on a entendu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on va arrêter, on va relancer plutôt l'appel. D'accord? Tu as raison. Voilà, on se déconnecte. Tout le monde se déconnecte tout simplement. Oui. Là, c'est bon maintenant, n'est-ce pas? La famille Tamé, bonsoir. Chez la soeur Monique, c'est la matinée qui a commencé. Donc, la soeur Suzanne, bonsoir et bienvenue dans Canada la Cité. Voilà, avec la voix tonitruante qui entre en scène comme ça. Toujours avec plein d'énergie. La soeur Anna, bonsoir. Le frère Francis, bonsoir. Et bonsoir au jeune Peignuel Saron. Francis n'est pas là, je suis Peignuel et moi, on est ensemble. Oui. Bonsoir. Vous écoutez. Bonsoir et bienvenue. La sœur Monique, il y a du bruit chez toi. Allô? Je ne sais pas si tu piles le maïs ou c'est le couscous. Non, je ne suis pas assise. Il y a du bruit de toute façon chez toi. Ok. Bon, je vais ajouter maintenant. La sœur de la, je n'ai pas là. J'ajoute maintenant la sœur Arissi pour voir si, comment ça va réagir maintenant. Alors, comment était votre semaine? Comment était votre semaine? Bien, par la grâce de Dieu. Très bien chez moi, par la grâce de Dieu. Allô? Oui. Je crois que c'est bon. Oui. Je l'ai ajouté maintenant. Je crois qu'elle pourra entrer quand elle voudra. Quand elle voudra. Après, on va résoudre ces problèmes de... Voilà. À Canada dans la sainteté, où est-ce que nous étions? Comment s'est passée la semaine, mon frère? La sœur Alessie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, tout le monde. Qui te dérangeait? Dis-nous clairement maintenant. Moi-même, je ne sais pas. Monsieur Antonio? Mais c'est toi qui parlais, non? On ne te voit même pas. Je pense que ma caméra a des problèmes. Hein. C'est ça qui te casse la tête comme ça, ma soeur. Pardon? Ta caméra qui t'appelle Antonio là. Le laine blanc. Le laine blanc. Avec les France. Non, ma caméra a des problèmes ce jour-ci. Il faut baptiser ton téléphone. Quoi que ce soit, ce n'est pas encore converti, quoi. Oh, ravi de savoir que le frère est là. Oui, le frère. Le frère Camille est vraiment là. Ravi de voir ta connaissance, mon frère, que tu sois là où ce soir. Non, je ne parle pas du frère Camille, je parle du frère Junior. Et frère Camille alors? Non, frère Camille aussi, il a dit bonjour. Ok. Alors, je suis à votre service. Mon frère, on ne voit pas ta vidéo, mon frère Junior. Vous voulez voir? On peut te voir, non, quand même. Oui, c'est parce qu'en réalité, la connexion, il menaçait de pleuvoir ici, la connexion chute. Donc... Oui, okay. C'est bon, ça marche. Ça après. Ok. Ah bon. Là, on te voit. Ok. Alors, la soeur Monique, on ne la voit non plus. Et la soeur Anna, on ne la voit pas aussi. Elle a dit que non. Donc, des questions. S'il n'y a pas de questions, on prend les Saintes Écritures et on voit un sujet ce soir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous guide. Frère. Oui. Dimanche, là, il se peut que j'ai attaqué les esprits. Mais il faut les chasser, non? Si tu les attaques, c'est ton problème. Si tu me dis. Non, je voulais seulement vous raconter le rêve que j'ai fait. Dis-nous, frère, c'est intéressant ça. On parle. Non, mais c'est dimanche dernier, quand on s'est réunis avec des frères, on a passé au moins 5 ans ensemble, et après, j'ai commencé à prier. Et dans la nuit, j'ai les attaques. Oui. Oh, pour moi, ça n'a pas fait peur parce que j'avais l'assurance. Parce que lorsque je faisais la délivrance, ça se passait normalement sur les enfants que je faisais la délivrance. Au moins, on voit rien. Il y a rien guéri même au Canada. Donc, ça veut dire qu'on peut bien se reposer tranquillement. Ah, frère, on est là pour servir les autres, non pour se servir. Amen. Raconte-nous alors le scénario, frère. Ah, comme je te dis que pas, je vois seulement les yeux qui sortaient parce que comme j'avais prié pour les enfants de. Ce jour-là, j'ai prié aussi pour les enfants de nos soeurs en Christ et mon frère. J'ai prié pour les enfants dans le sens et dans la nuit, je me suis trouvé en train de faire la défense plutôt sur les enfants. Oui. des sœurs. Et je me posais la question, mais comment les sœurs sont comme ça et les enfants sont possédés? Vraiment. Tu as lu Luc chapitre 13, frère. Toi qui as de me dire. Luc chapitre 13. Lis à partir du verset 10. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui se rendait, qui la rendait impie depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle faisait le culte où? Hein? Depuis 18 ans, elle faisait son culte où? Vous là-haut. Et ils invoquaient qui là-bas? C'est sûr que c'est les démons. Ah non, mais dans le temple là, c'est les démons qu'on invoquait alors. Oui, mais parce que le problème, en réalité, quand tu regardes, c'est s'ils avaient l'esprit de Dieu, ils allaient chasser cet esprit. Non, non, le problème, ce n'est pas que ceux qui étaient là-bas avaient-ils l'esprit de Dieu ou pas. Le lieu là, ils venaient prier qui là-bas? On venait prier le Seigneur. Ah, ils lisaient le rouleau de qui là-bas? En suivant les rituels de qui? La loi de Moïse. Cette femme-là, le démon était. Pendant qu'il se faisait le culte, la femme-là suivait le culte pendant combien de temps? Plus de 18 ans. Donc, la femme allait au culte avec qui? Avec cet esprit en elle. Quand elle dormait, avec qui? Avec cet esprit en elle. Quand elle partait à le trompe pour mettre sa dîme, elle partait avec qui? tu poses la réponse. Donc, vous comprenez pourquoi je dis effectivement que vous pouvez lire. Vous lisez la Bible comme ça, ça ne fait rien. Mais il faut une puissance pour les confronter. Donc, tu te poses la question de comment les enfants des sœurs peuvent être comme ça. Ça peut être là longtemps. Si Dieu ne révèle pas, ça ne se manifeste pas. C'est Dieu qui révèle que ça se manifeste. Amen. Il y a des gens qui sont habités. Pendant que je viens de parler maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui a nous écouter. Et il y a le pied qui lui fait mal. Ça fait mal de temps en temps sans les choses marcher dans ses pieds. Tu vois, ça, c'est le serpent qui habite dans son pied. C'est le pied droit. Il y a un endroit, particulièrement un petit bouton où il gratte de temps en temps. Dans ça, c'est le serpent maintenant. Et celui-ci, c'est un chrétien. Qu'est-ce que tu en dis maintenant, frère? Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Donc, on peut travailler ce soir si vous avez des préoccupations, s'il y a des questions, on pose. Donc, frère, beaucoup de courage dans ton ministère. Donc, tu n'es pas seul. Tu dis quoi, frère? Il dit beaucoup de courage dans ton ministère, tu n'es pas seul. Beaucoup de courage, ça, c'est l'entraînement. Frère, il y a une autre question que je voulais poser sur la prière de la sœur Anne. Oui. Dans la parole de Dieu. Oui. Lorsqu'elle a commencé à prier. Je me suis rendu compte que la prière qu'elle faisait, c'est une prophétie plutôt qu'elle faisait. Oui. Mais c'est quand même bizarre. Allons-y là-bas. Dans un sens, bon. Allons-y dans ce livre de 1 Samuel chapitre 2 et voyons effectivement ce qu'il en est. On va voir effectivement qu'en réalité, ce n'est pas... Allons-y toujours. Que Dieu vous bénisse. La sœur Arécy, elle m'entend? Oui. Donc après, oui, après, oui. Après cet enseignement, on va passer quelques minutes ensemble pour qu'on parle, d'accord, toi et moi? D'accord, fais du bien. Donc tu en as besoin. D'accord, merci. 1 Samuel chapitre 2. Les trois premiers mots du verset 1. 1 Samuel chapitre 2. Et mettons d'abord que tout le monde y ait trouvé. Mon cœur, ouais, ok. La sœur Arécy, tu y es? Oui, je suis, oui. Ok, donc le frère peut lire donc maintenant. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Maintenant, allons-y d'abord maintenant, avant de lire ce chapitre 2 là. Il faut bien poser la question parce que quelque chose se trouve ici. Oui. Le problème c'est... mais je veux que toute votre attention maintenant. La soeur, quand il n'y a pas de caméra comme ça, c'est difficile parce qu'il faut que quand je parle, vous voyez. La soeur, Suzanne par exemple, et le frère, je vous vois donc, il peut savoir si vous allez m'écouter ou pas. C'est difficile lorsqu'on parle à l'écran. Voilà, vous voyez, elle fait ce qui est bien et ne fait pas. Donc, elle fait comment, frère? Quand on sait faire ce qui est bien, on ne le fait pas, ça veut dire quoi? Je Donc, si vous lisez depuis le chapitre 1, donc, bonsoir la sœur Karine et bienvenue. La célèbre sœur Karine. On sort de loin, toi et moi, là, n'est-ce pas? On sort de loin. Dieu sait, sait d'où on sort. Je ne sais pas si toi également, après moi, avec moi, on peut causer. Comme... Bon, de toute façon, si tu veux qu'on cause, après un récit, on peut causer. Ou bien avant un récit, comme Amen. Ça, comme ça tu vas au lit rapidement avec, avec ton... Bon. Alors, regardez, à partir du verset, le verset 9, la Bible déclare, si vous lisez le problème depuis le début, au chapitre 1, la Bible déclare, Anne, enfin, Anne avait pénible à sa soeur, sa, quoi, sa, concub, enfin, sa co-épouse, avait des situations de tension dans la maison, comme toutes les maisons de polygamie. Alors, verset 9, après, à l'issue du fait qu'Anne va venir déverser sa, quoi, sa, son amertume devant le Seigneur, la Bible déclare au verset 9 qu'Anne se leva après que l'on eut mangé et bu et assis l'eau. Le serviteur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Suis attentivement, parce que ici il y a une prière. Et dans le chapitre 2, il y a une prière. Cette prière-ci, c'est une prière qui est différente de la prière de l'autre. Ici, c'est une prière de supplication où l'âme se déverse devant le Seigneur. Là-bas, ça, c'est la prière du Saint-Esprit. Là-bas, Anne est remplie du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on va voir ce genre de prière caractéristique dans la Bible. Alors, la Bible déclare, elle fit un vœu en disant, Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous voyez que même sa prière est prophétique. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Ah mon Dieu, puissent les femmes qui m'écoutaient maintenant, vous puissiez faire comme ça, comme Anne, comme Marie, la mère de Jésus, qui passait les choses dans son cœur. Elle, Anne parlait dans son cœur. Votre cœur à la bouche. Vous savez seulement dire qu'un cœur a dit que monte, un autre cœur a dit que ne donne pas. La Bible déclare que Anne parlait dans son cœur. Ça dit que son cœur à la bouche et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix et lui pensait qu'elle était ivre. Oh, la prière par l'esprit, Amen. La prière par l'esprit. Cette chose-ci, quand vous commencez à prier de cette façon-ci, au point où ça prend votre âme, vous oubliez dans la prière, vous vous laissez aller, vous vous laissez emporter. À un moment donné, les larmes coulent. Vous ne vous engagez pas à savoir qui est là ou quoi que ce soit. Si on vous voit, si on ne voit pas, ça coule. Mais vous sentez le poids monter, le poids monter, le poids monter, le poids monter. Je vous dis quelque chose. Je me souviens de ce jour-là quand j'ai entendu cette voix où, en 1998, alors que j'étais en train d'apprendre et que ma tante est sortie, elle a éteint la lumière. Cette amertume, c'était sur mon cœur était gros. C'est comme si vous pouvez sentir, c'est comme si j'envoyais ma main. Vous m'entendez bien? Oui. C'est comme si j'envoyais ma main dans mon cœur, je devais prendre une pierre là-dedans. Le cœur était devenu, vous savez, cette chose-là. Et puis je place mes coudes comme ça sur cette planche-là, de dehors. Ça, c'est, il y a l'obscurité partout. Et puis je regarde dans une direction. Je dis, il pense, c'est mieux de mourir. Il faut que je me donne la mort, ça ne vaut pas la peine. Parce que les choses la meilleure que je veux sur la terre, on me bloque. Si j'avais aussi mon papa, si mon papa était vivant, il ne serait pas en train de vivre ce genre de choses. Si j'avais mes propres parents, il ne serait pas en train de vivre ce genre de choses. Je pensais comme ça, il pleurait. Écoutez, j'ai sangloté au point où les larmes coulaient, mais parce que c'était la nuit, je ne pouvais pas crier fort. J'étais là comme ça, bon, ça passait dans le cœur. Toutes ces choses qui disaient que si mes parents étaient là, ainsi de suite, ça ne se passait pas dans la bouche, ça se passait dans le cœur. Le cœur était lourd de pierre. Lourd de pierre. Quand vous êtes dans ces circonstances, vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un peut poignarder quelqu'un et puis dire que qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'à cette étape-ci, Satan peut vous utiliser facilement. Quand vous êtes en colère et vous voyez ces choses-là dans le cœur, vous voyez quelqu'un est en colère, il casse les choses avec la main, il fait de telles choses. Et puis la colère, quand la colère baisse, il te regarde, vous voyez comment vous êtes fracturé la main, vous avez tapé sur quelqu'un, vous avez cassé des choses dans la maison, ainsi de suite. Ces choses-là, c'est dangereux. Alors, quand dans cet état de prière, vous avez un besoin et que ça arrive à cet endroit-ci, c'est le moment de se retirer pour aller devant le Seigneur. Y rester jusqu'à ce que ce poids-là soit ôté. Écoutez, mes chers, ce soir-là, cette nuit-là, quand j'étais en train de penser comme ça, et puis à droite, de mon côté droit, cette voix-là retentit. Tourne-toi, regarde. Je me suis tourné tout naturellement, comme je suis avec vous, je me suis tourné. La voix m'était familière. C'est comme si la voix, j'étais là habitué avec cette voix-là. Pourtant, bon, c'est vrai que dans l'enfance, il y avait les visions, mais ce n'est pas de cette façon, c'est que cette voix-ci était. Et puis, je regarde de ce côté-ci, j'entends, tourne-toi. Or, dans la minute qui précédait, j'étais en train de me lamenter en disant que si j'avais des parents aussi, je ne sais pas de vivre ceci. tous les enfants fréquentent, c'est parce que je ne suis pas enfant de cette maison, c'est qu'on a de me traiter ainsi. Et donc, il faudrait que je meure. Mieux, je quitte là-dessus parce que ça ne vaut pas la peine de vivre dans ces conditions-ci. Et puis, cette voix dit, tu es sur la terre pour une œuvre. Bientôt, elle va commencer. Vous voyez cela? Tu ne mourras pas. Tu vas faire cette œuvre-là. Donne-toi, regarde. J'ai regardé les trois étoiles qui étaient positionnées là. Puis, il a dit que tant que ces trois étoiles seront là, tu seras sur la terre pour faire. Et donc, chaque fois, même beaucoup d'endroits où je vais, je regarde, elles sont là. Alors, lorsque vous avez de l'amertume sur le cœur, c'est exactement ce que notre soeur Anne avait eu, notre grand-mère ici avait eu. Elle avait ces choses sur le cœur. Et quand vous avez quelque chose sur le cœur comme ça, personne ne peut vous enlever. La Bible déclare que personne ne peut connaître le chagrin que l'autre cœur fait. Tout ce qu'un être humain peut te faire, c'est courage, ma soeur. Que vous voyez que Dieu t'est fortifié. Vous voyez que même le courage qui te dit, il te renvoie encore que chez Dieu. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'est fortifié. Même quand vous allez dans la maison de Dieu, quelqu'un a pleuré son mari, il n'est plus là. Je vais faire comment avec les enfants. Tu le regardes comme ça, tu mets la main comme ça, comme la soeur Karine a mis la main. Les larmes coulent aussi comme ça. Toi, tu ne coules pas les larmes pour elle. Tu coules comme ça, peut-être tu vois le chagrin. D'autres personnes se souviennent de deuil de son fils et de problèmes aussi qu'il traverse. Les larmes aussi coulent. Après, quand elle est sortie pour partir, prends le mouchoir et le suit ton visage. Que Dieu t'est fortifié. Mais c'est cette femme-là seule qui va dormir sur le lit sans son mari. C'est cette femme-là seule qui va voir la photo de son mari et voir l'absence. C'est elle seule qui va se tourner, voir que sa maison n'a plus de voix d'homme dans la maison. C'est seule cette femme-là qui va regarder son enfant et voir que son enfant descend à son mari n'est plus là. C'est elle seule avec son cœur qui vont suivre leur propre chagrin. Le cœur connaît seul son propre chagrin. Vous voyez, l'homme ne peut pas compatir véritablement à une autre personne. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut déposer cela entre les mains du Seigneur. Et il y a la façon de le faire. La Bible donc déclare ici que Anne faisait quoi? Et elle parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer avec la bouche. Mais on n'entendait pas la voix, dit la Bible. N'est-ce pas, frère? La prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Lorsque vous êtes dans cet état, si vous allez voir que vous pouvez attraper une planche ou même n'importe quelle. Vous savez, pour attraper une goutte comme ça, pendant que vous en êtes de parler, vous parlez tellement que vous exercez la pression sur la goutte. Vous exercez la pression parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Lorsqu'elle a fini de faire ça. Quand vous faites ces choses-ci et que ces poids-là quittent, alors que vous n'avez pas fait des techniques de relaxation telles que les psychologues le disent, d'appuyer sur le ballon ou bien appuyer sur le petit doigt ou bien penser à quelque chose ou des biens qui se sont passés. Quand vous faites cela, vous avez mis pause sur cette chose-là dans votre cœur. Vous êtes convaincu que c'est quitté. On essaie de vous donner une technique pour que vous concentrez sur autre chose. En fait, vous êtes seulement allé à autre chose. C'est un peu comme vous allez lire un livre et puis il y a une partie qui vous est difficile. Vous dites que non, que je ferme d'abord la page pour avancer. Vous avez laissé quelque chose. Vous savez que vous avez laissé quelque chose. Vous allez y revenir. Vous allez y revenir. Vous voyez cela? La Bible déclare que comme, de la même façon, comme on appuie le nez, le sang coule, on appuie, l'excitation produit la colère. Si vous excitez la colère, ça va produire la colère. Et donc, si ces choses se trouvent sur le cœur, il n'y a qu'une seule chose. Déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. La Bible déclare quand il prend, lui-même prend soin de vous. Alors Anne est restée là-bas parce que le sacrificateur Élie était là. C'était un homme de Dieu, mais elle était devant le Seigneur. Élie a seulement vu qu'elle était en train de bouger la bouche. La Bible déclare que Élie pensait qu'elle était ivre. Vous voyez? Verset 14. Regardez encore le verset 13. Le verset 13 est vraiment beau. Vraiment beau, mes chers soeurs, mes chers frères. Anne parlait dans son cœur. Soulignez cela. Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer les lèvres. Vous savez, très souvent, lorsqu'on a ces choses sur le cœur, lorsqu'on a ces griffes sur le cœur, ces fardeaux sur le cœur, vous voyez comment les gens prient comme ça. Seigneur, combat mes ennemis. Vous bougez la tête. Quand vous bougez la tête, vous allez vous fatiguer. Le corps physique va se fatiguer. Le poids là va rester à l'intérieur. C'est plutôt l'intérieur qu'il faut bouger. Oui. Mon verset 13 dit la manière d'agir. C'est bien le chapitre 2, non? Non, nous sommes au chapitre 1. J'ai commencé au chapitre 1. Oui. Oh, ça 1 Samuel. Chapitre 1, verset 13 cette fois-ci. Verset 13. Parce qu'on on va aller au chapitre 2 bientôt pour répondre à la question de notre frère. Ok, attendez. Mm-hmm. Anne parlait dans son cœur. Ok, seul les lèvres. Ok, d'accord, donc c'est chapitre 1. Ok, oui. J'y suis maintenant, c'est voilà. Bon. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci. Quand vous faites ces choses, il y a des prières qu'on fait comme ça. Mais c'est ce que je viens de dire, quand le problème là se trouve à l'intérieur sur votre cœur, un souci que il faut que ça quitte. La seule façon de faire, c'est de décharger ça sur le. Il n'y a pas deux façons. La Bible ne donne pas deux façons de résoudre ce problème-ci. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis qu'il y a sur ton cœur, voilà la façon dont on défait ça devant le Seigneur. C'est de cette façon-ci. Vous entendez dans la Bible, par exemple, dans le livre de Genèse, vous allez voir quand lorsqu'il y a le mariage entre Léa, Rachel et Jacob, quand Rachel n'avait pas d'enfant, elle a attrapé Jacob pour dire que donne-moi un enfant ou je meurs. L'enfant pouvait donner l'enfant, frère. Jacob pouvait donner l'enfant. Il fabrique les enfants. Lui-même a dit que j'ai fait tout mon possible. 5 heures, je suis là pour te saluer. Midi, je suis là pour te saluer. L'enfant n'entre pas. C'est moi qui fabrique l'enfant. Suis-je à la place de Dieu? Qu'est-ce que Jacob a dit de lui dire? Que concentre-toi sur Dieu, sur lui qui donne les enfants. Amen. Amen. Alors, Anne parlait dans son cœur, soulignez cela, et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Vous avez entendu cela? La prière par l'esprit. Donc vous êtes avec quelqu'un comme ça, mais vous en avez prié. Vous, si vous passez le temps dans la prière comme ça, même si quelqu'un fait n'importe quoi de vous, de mal, ça ne peut pas vous énerver parce que votre cœur est occupé à autre chose. Le cœur ne doit pas et ne peut même pas être neutre. Si vous laissez votre cœur sans prière, Satan priera au travers de vous, suggérera les pensées dans votre cœur. Et par conséquent, vous allez rester comme ça, les mauvaises pensées vont commencer à venir. Telle personne m'avait fait telle chose. Et aussi telle personne m'avait fait telle chose. Vous voyez, vous allez voir que le temps que vous devez passer dans la prière pour développer votre intimité et décharger tout fou sur le Seigneur, vous allez passer le temps plutôt à développer certaines choses, les griffes, que telle chose m'est arrivée, telle personne a aussi fait telle chose, telle chose. Après, ça va produire le doute. Donc, évitez cela, d'accord? Amen. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah. Anne parlait dans son cœur. Mais ça devait nous poser la question. Voici quelqu'un qui a la bouche. Donc, ça veut dire qu'Anne avait deux bouches. L'une des bouches par lesquelles, pendant qu'elle parlait dans son cœur, ou elle bougeait seulement la bouche comme cela. On dit qu'on n'entendait pas sa voix. Donc ça veut dire que la bouche du cœur peut prier alors que la bouche de la bouche du corps elle fait autre chose. Ça va ma soeur Karine pendant cette chaîne de prier. Et de telle enceinte que cette partie-là se trouve incorporée dans l'homme intérieur. Au point où l'homme intérieur peut recevoir le message. Bon, pour les prophètes, c'est encore très grave. La Bible déclare verset 14 et il lui dit, et on dit la fin du verset 13 dit, et il y pensa qu'elle était ivre. Donc, vous pouvez faire ces choses-là pour décharger votre souci. Les êtres humains peuvent penser n'importe quoi de vous. Ça ne sert absolument à rien. Enfin, ça ne doit rien vous faire. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. C'est pour dire, laisse qu'il y ait de l'alcool. N'est pas plus dans entrer, ok, sortir, KO. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme. Écoutez bien. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Soulignez. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, vous souffrez en votre cœur un seul médecin. Une seule façon, ce n'est pas les psychologues, ce n'est pas les psychiatres, ce n'est pas l'hôpital de rééducation, ce n'est pas les cachets, je prends mon calmant. Il n'y a pas de calmant ici. Il faut en être délivré. Et la seule façon d'en être délivré, c'est se décharger sur le Seigneur. Il faut que le poids la quitte. Il faut que le poids quitte. Quel qu'en soit ce que tu veux traverser qui reste sur le cœur, il n'y a pas deux façons de résoudre le problème. Même lire la Bible ne résoudra pas le problème. Il faut se décharger sur le Seigneur. Mais vous avez un poids sur lequel vous allez ouvrir la Bible un temps comme ça, rester sur une page comme ça. Vos yeux vont regarder sur les versets. Pendant que vous allez regarder les versets, c'est les pensées qui vont vous traverser. Vous allez rester sur une page. Après vous réveillez en vous-même en voyant que vous n'avez même pas avancé d'un seul cran. Parce qu'il y a le trouble à l'intérieur. Alors il est venu lui dire, ok maintenant. Ok. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Soulignez. Mais je répands mon âme devant l'Éternel. Vous y êtes? Oui, Samuel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, dont les femmes qui boivent l'alcool. Oubliez-le. Vous n'arriverez pas à décharger votre souci sur le Seigneur. De cette façon, c'est ce qu'Anne a fait. Donc, toutes les femmes qui boivent l'alcool sont les femmes qui rient comme ça. Perverties. En tout cas, c'est la définition là. Donc, les femmes à buvet d'alcool sont les femmes perverties. Voilà. Comment le frère rit? C'est moi qui écris ça. Ok. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y a de quoi prêcher maintenant jusqu'à 9h demain matin. Je me sens bien vraiment là maintenant. C'est l'excès de ma douleur. Je crois que dans un enseignement, dans la prière fervente de juste, j'ai dit que vous ne pouvez pas prier de façon fervente si c'est poids-ci, ça n'est pas arrivé au niveau de ce poids-ci. Si la douleur à l'intérieur, vous devez. Je vous pose une question simple. S'il arrive que vous avez besoin d'être opéré, par exemple, de vos yeux, que vous avez le problème de cataracte, vous êtes obligé de voir qui frère. L'ophtalmologue. Un ophtalmologue. Tu peux avoir un dentiste, ça ne résoudra pas le problème. Parce que le problème, ce n'est pas la dent. Même si tu peux avoir quelqu'un qui t'aime beaucoup. Non, c'est mon ancien frère. Ici, on a fréquenté ensemble. On faisait des divers ensemble. Et que lui, c'est un psychiatre. Il ne résoudra pas ton problème. Il faut que tu passes par un ophtalmologue. Alors ici, cette personne se dit qu'elle a l'excès de douleur et de chagrin. Où ça? Dans son cœur. Ça lui fait mal dans son cœur. Vous savez que vous arrivez à un niveau de... Vous voyez pourquoi le monde est crispé. Les gens sont dans les crises cardiaques. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui de 20 ans. On dit qu'il a, il a atteint de l'hypertension artérielle. Ce sont lesquels j'ai des maladies comme ça. C'est quoi? L'angoisse, les soucis. Et Jésus avait prophétisé cela. Parce qu'il dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations. Dans l'attente de ce qui va leur arriver. Des choses arrivent. Vous voyez, des événements arrivent. Des choses sont toujours là pour nous mettre dans le bouillard. On se pose toujours la question par rapport au lendemain. Par rapport aux enfants, par rapport au mari. Si tes soeurs arrivent. Tout est autour de nous pour nous pousser, nous mettre la pression. Donc l'esprit de pression est sur nous constamment. Il faut que tu aies la pression de trouver le travail. Il faut que tu aies la pression d'aller au travail. Il faut que tu aies la pression pour trouver la maison. Il faut que tu aies la pression pour trouver de l'enfant. Il faut que tu aies la pression pour... C'est terrible, la pression. La pression. Et cette pression-là, ça produit le chagrin. À un moment donné, vous voyez, effectivement, les gens commencent à prendre la pilule pour pouvoir tenir. D'autres prennent le CA 100 doses, que l'équivalent de 1000 oranges. Tu bois comme ça une fois, tu fais « Ah !» Oui, quand je bois ça, je suis fort. Attendez seulement. Fais ça comme ça 3 ans. Et tu vas savoir ce qu'est la question. D'autres prennent le thé pour ne pas dormir. Attendez seulement. Ça vous favorise maintenant sur le corps, sur le plan circonstanciel. Mais ça va détruire tes neurones. Vous voyez cela? Alors, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, comme elle a duré dans la prière, parce qu'elle durait dans la prière, parce qu'il y avait la douleur sur son cœur. Il y avait le chagrin sur son cœur. Donc, tant que ça ne finit pas, elle ne quitte pas. Mais aujourd'hui, se lève en regardant la télévision Novelas. On dit, Seigneur, tu vois mon cas. Je souffre beaucoup. Inquiète ton regard, tu as payé pour la croix au nom de Jésus. Amen. Tu parles. Ça ne résoudra pas comme ça. Là. Vous savez que vous avez un problème. Genèse. Alors, vous allumez Genèse. Genèse. Que Dieu vous bénisse. Frère, je ne sais pas comment ça se passe, mais on va quitter dans ce chapitre et on va aller au chapitre 2. Mais allons dans Genèse voir aussi ce qu'il y a là-dedans. Vous y êtes. Genèse, le chapitre 32. Quel chapitre? Genèse, le chapitre 32. Je vais lire depuis le verset 1 pour que vous compreniez ces principes, ces choses-ci. Ne prenez pas à la légère ces choses-ci lorsque votre cœur est attaqué. Lorsque votre cœur est attaqué, si vous n'attaquez pas pour résoudre ce problème-ci, ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler. Vous arrivez à quelqu'un, vous allez voir quelqu'un va vous raconter, dire que je suis ici. Il va commencer à tracer au niveau de cuir chevelu pour dire que je suis à bout. Je suis à bout. Je ne sais pas où je vais mettre ma tête. Ce n'est pas sa tête qu'il faut mettre quelque part. Tu mets ta tête même dans le glaçon, ça va toujours chauffer. Parce que le cœur est dans le bouilloire. Genèse chapitre 32. Regardez. Avant de lire Genèse chapitre 32, je vais vous donner planter le décor. Un garçon naît. Avant de naître, Dieu dit à sa maman que deux nations sont en train de lutter dans ton ventre. La plus grande sera assujettie au plus petit. Donc, quand ils vont sortir du ventre. Et le plus petit, donc, c'est monsieur Jacob. Et Jacob, ça veut dire supplanter, voleur. Donc, quand il naît, on lui donne le nom des voleurs. Comme le cas de Job qui est né, on lui a donné le nom Job, c'est-à-dire persécuté. Pas étonnant qu'il sera persécuté plus tard. Pas comme Amos, comme celui du porteur de fardeau. Comme il était là pour porter le fardeau du peuple. Donc, alors, quelque chose se passe. Il finit de grandir. Son frère garde rancune. À l'issue de la mort de son père, son frère se disait que il va traiter avec son frère lorsque son père va mourir. Jacob va fuir aller chez Laban. Mais il va savoir effectivement. Parce qu'en réalité, si vous êtes en cavale, par exemple, quand quelqu'un est bandit, il fuit, on ne l'arrête pas. Il ne peut pas dormir quelque part tranquillement. Parce qu'il sait qu'à tout moment, on peut l'arrêter. Son frère avait gardé dedans. Tant que son frère est vivant, il sait que son frère Esaü peut l'avoir à tout moment et peut le supprimer à tout moment. Connaissant son frère comme un vaillant chasseur, un grand guerrier qui a développé des royaumes, il fallait que ce problème-ci soit résolu. C'était son frère. Même père, même mère. Ce n'est pas deux enfants de deux mamans différentes. Même père, même mère. Mais son frère lui avait gardé dedans parce qu'il avait volé son droit d'aînesse, disait-il. Mais ce garçon-ci savait que ce problème-ci devait être résolu seulement par Dieu. Regardons bien maintenant comment il va essayer de résoudre diplomatiquement et humainement le problème qu'il avait. Allons-y, chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Vous y êtes? Je crois que ma connexion est encore. été interrompu là. Vous m'entendez, mes frères? Le temps que la connexion se rétablisse là. Thank you. Que c'est pas facile, n'est-ce pas? Ah, bravo. Ouf, que Dieu vous bénisse. On peut continuer là où on s'est arrêté. Tu dis frère? On peut continuer là où on s'était arrêté. Oui, oui. Et on est à Genèse 32. À Genèse 32. Et puis Jacob donc va comprendre que dans la vie, il ne doit pas, il peut pas échapper à cela. Parce que malgré qu'il ait réussi, comme on va découvrir là-bas, malgré qu'il réussit, il va falloir affronter son frère. Parce que sa seule peur de la vie, dans la vie, était son frère. Parce qu'il redoutait son frère. Il pouvait lutter contre l'ennemi. À Laban, il n'a pas eu peur d'affronter Laban. Mais son frère lui créait des terreurs depuis la séparation. Lorsqu'il a pris la bénédiction à la place de son frère. Maintenant, il va être riche. Par la suite, il va aller confronter cela. Donc, ça veut dire en réalité, si, comme j'ai dit tout à l'heure, là, si vous essayez de cacher n'importe quoi, tôt ou tard, vous devez y revenir. Si vous dites que j'ai tourné une page sans avoir résolu le problème qui se trouve dans cette page-là, vous savez, quand vous êtes à l'école, quand vous traversez, on donne l'exercice, un exercice de mathématiques, vous dites non, si c'est trop, passe, trop dur, je passe. Vous allez là-bas. Quand le temps finit, vous souvenez-vous que le point de l'exercice qui était derrière, qu'on n'a pas fait, vous n'aurez pas. Vous voyez cela? Genèse chapitre 32, donc, regardons. La sœur Aristie est là. Oui, je suis, Frère Junior. Merci. Suis. La sœur Karine, oui. Jacob poursuivit, à partir du verset 1, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Écoutez bien, Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Regardez comment il appelle son frère. Ça n'a pas résolu le problème. Comme on va découvrir. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Quel est le problème pour qu'il trouve grâce à ses yeux? Il ne demande pas de matériel. Il veut dire qu'il est riche. Vous voyez, il est en train de tenter. Il veut savoir quel est l'état de son cœur. Si le gars a oublié le problème. Alors que il présente le matériel. Il y a des problèmes que le matériel ne peut pas résoudre. Vous êtes dans le luxe, vous avez du suffisant matériel, quelque chose vous manque. Quand cette chose n'est pas comblée, où est la sœur Suzanne? Il ne la voit plus. Quand. Parce que les enfants sont arrivés, donc j'ai enlevé. Ok, non, il parlait des caméras, donc, de toute façon. Alors, vous voyez effectivement qu'il a dit, il a envoyé ses serviteurs dire à son frère. Il n'appelle pas son frère, il n'a pas dit Esaü, il a dit son seigneur. Et là, il a le droit de naître. Il dit son seigneur, il dit que si, il dit à mon seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Grâce à ses yeux par rapport à quoi? Donc, il en est tenté, il tape le terrain pour voir quel est son comportement. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Donc, vous voyez que déjà, il a des problèmes d'ordre psychologique. Voilà, les gars viennent encore le traumatiser avec les nouvelles. Il vient avec 400 hommes. Continuons la suite seulement. Le 4 premier mot dit, Jacob fut très effrayé. Lisons le chapitre 31, le verset 3 et puis le verset 13. Lisons ce qui se passe. Chapitre 31. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Je peux lire? Oui, verset 3 seulement. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Oui. Et je serai avec toi. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Oui. Où tu m'as fait un vœu. Mm-hmm. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, vous voyez effectivement que même si vous fuyez des choses dans la vie, que même si vous fuyez n'importe comment, Dieu vous fait revenir. Pour lui, il lui a dit de retourner dans ce pays de naissance. Il avait fait tellement des années là-bas, jusqu'à ce qu'il ait épousé les enfants, sa famille a eu des enfants. Dieu lui dit, retourne. Dieu veut dire, ce que tu as laissé dès le départ à la naissance, là, tu vas devoir résoudre ça maintenant. Je vous fais revenir dans le chapitre 31, verset 3 et verset 13 pour que vous voyez quelque chose. C'est Dieu qui lui a demandé de retourner. Et pas deux fois Dieu lui a demandé de retourner. Mais Dieu ne lui a pas dit ce qu'il attend. Dieu ne lui a pas dit ce qu'il attend là-bas. Donc, même dans la direction de Dieu, les choses peuvent t'effrayer. Oh, il est arrivé là-bas. Nous voilà qui est allé rentrer dans le processus de rentrer. Il arrive là-bas. On dit que ton frère vient avec 400 personnes. Il dit, merde. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que c'est même Dieu qui m'a même parlé que je viens? Est-ce que c'est même le bon choix qu'il a fait pour revenir? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il va utiliser la diplomatie, utiliser les techniques humaines. Mais remarquez bien que Dieu lui dit de partir. Il n'a pas dit que, parle dans ton pays, il veut faire que le problème qui était avec Esaü, je résous ça. Il n'a pas besoin de dire ça. Il dit, retourne. Point. Il reste tranquille. Le reste, c'est que tu dois obéir. C'est qui est dans le retourne là. Pendant que tu en es retourné, n'importe quoi est sous son contrôle. D'accord, mes chers frères? Amen. Alors, ce qui nous fait ressortir ici maintenant, c'est que même si tu fais n'importe quoi, tu fuis. Il y a des gens qui, dans leur jeunesse, pour les femmes, ont retiré les enfants, comment vous appelez ça, avorter, ils ne disent pas. À un moment donné, ils rêvent toujours comme ils sont d'allaiter les enfants, mais pourtant ils n'ont pas l'enfant physique. Ou bien, il y a ce cas-là qui lui revient chaque fois dans l'esprit, lui revient chaque fois dans l'esprit. Dieu a de lui indiquer que ce problème-ci n'est pas résolu. Mon doigt est dessus. Il faut résoudre ce problème-ci. Alors, la Bible déclare au verset 7 du chapitre 32, Jacob fut... Mais frère, oui. Mais comment il faut alors résoudre ce problème c'est quand pour, ça se présente comme ça? C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Vous pensez que Jacob dormait comment? Quand quelqu'un parlait comme Esaü, quelque part, il voulait finalement fuir pour entrer au champ. Jacob fut très effrayé. Permettez-moi, donnez-moi une seconde. Là, l'enfant s'est réveillé et puis je réveille sa maman, que sa maman lui donne le tété, d'accord? Amen. Alors, vous êtes là? Oui. Voilà. Vous voyez, c'est un nouveau né. Si elle se lève ici, là, si on ne donne pas son tété nocturne, là, c'est qu'elle va nous demander qu'au Canada, la santé, ça veut dire quoi? Et puis, on va. On va entendre les pleurs ici. Et vous voyez effectivement que c'est même le type même de ce qu'on est en train de voir. Quel est son problème? Si ce n'est pas résolu, vous allez seulement, vous ne pouvez pas rester tranquille. Elle va crier, c'est fatigué. Voilà. Alors, nous voyons que Dieu a dit dans le chapitre 31, verset 3 et le verset 13 à Jacob de retourner dans son pays de naissance. Dieu n'a pas dit de changer de pays. Il lui a dit clairement là où il va aller. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu, dans ce contenu de direction, là, veut dire qu'il y a un problème depuis ta naissance qu'il faut résoudre maintenant. L'heure de cela est arrivée. Mais Dieu ne lui dit pas comment il va confronter son frère, ni ce qu'il va en découdre. Vous voyez que malgré que vous ayez la volonté de Dieu, la direction de Dieu, ce n'est pas toujours facile, humainement parlant, de vivre cela. On y va. Chapitre 32, donc, la Bible déclare, verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Je veux que vous gardiez l'état d'esprit. Souvenez-vous qu'on est parti de Anne, au chapitre 1 de 1 Samuel, et on est venu ici. Regardez l'état d'esprit de Anne. Son problème était le problème d'enfant et les mots qu'elle entendait chaque fois de Pénine à sa coépouse. Donc, plus, non seulement tu as l'angoisse, mais les gens alimentent et évangélisent encore ta pensée avec ça chaque fois. Tu restes comme ça. C'est quand tu restes seul que ça résonne dans toi. Tu commences à peser le pour et le contre. On dit, il faut aller chez le marabout. Si elle ne fait pas comme ça, mon mari peut aller accoucher l'enfant dehors. Ainsi de suite. Toutes les autres choses peuvent te passer par l'esprit. Donc la Bible déclare, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Regardez bien le mot. Ce sont les synonymes de colère, de peur, d'effrayeur, d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Vous voyez cela? En deux camps. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc il savait que les 400 hommes qui viennent là-bas, c'est pour en décor avec lui. Il connaissait ce qui arrive. Alléluia. C'est quel verset, frère Junior? Nous sommes au verset 8 du chapitre 32 de Genèse. Verset 8. Ok, d'accord. Lis ça, ma soeur. Okay. Lis alors. Le verset 8? Oui. Ok. Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Continue une fois, ma soeur, continue une fois. Il dit, si Esaü vient à battre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie. Je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute ta bienveillance, pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Israël. Oui. Car je prie qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. C'est bon. Donc, vous voyez effectivement qu'il avait un problème qu'il fallait résoudre. Il savait que c'était l'enfant en toi de fond depuis des années. Il continue. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait compter. Donc, vous voyez effectivement que la réalisation de cette prophétie-ci, que Dieu lui a donnée comme promesse, dépend du fait qu'il faut qu'il soit vivant en face à face avec Esaü. Donc, il y a une prophétie qui lui dit que je vais te rendre fécond, je vais te rendre en abondant comme plus que le sable de la mer. Il y a la réalité en face que Esaü en est devenu pour en découdre avec lui. Donc il va par là dire, Dieu, si me tue maintenant, l'autre prophétie que tu avais dit là, ça va s'accomplir comment? Ah, vous allez me tuer sur la terre ici. Et donc, vous voyez que cette personne s'y rappelle à Dieu ses promesses. Ça montre clairement que l'angoisse qui était dans son cœur par rapport à son frère. Or, étant un homme de guerre, il pouvait aller découdre avec lui. Mais qu'est-ce qui le faisait perdre les fils, perdre les faces déjà d'entrer dans son combat avec Dieu? À quoi? Avec son frère, Esaü. Donc, Esaü en venant, déjà, quand il entendait Esaü, la terreur le prenait. Verset 13, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Écoutez bien. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Imaginez la cheftelle. 30 femelles de chameaux, regardez bien le prix d'un chameau, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, ces garçons c'était ça, c'était de Joseph, de Jacob, c'est, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Vous savez, c'est pour dire que si on vous tue, le temps, il est en train d'écrire là-bas qu'il a détalé. Donc, il les utilisait comme bouclier. Parce qu'en réalité, Esaü n'a pas quelque chose à voir avec ceux-là. C'est contre lui, c'est lui le problème. Il envoie les troupeaux là-bas, les 20 bâches, ainsi de suite, pour dire quand il va voir. Mais avant d'atteindre le premier troupeau, au moins, il va se sauver. Verset 17. Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Esaü, Jacob étant prophète, connaît effectivement que le présent fait à un ennemi calme la fureur et brise l'orgueil. Il connaît cela, le principe. Et c'est ce qu'il va faire comme ça, il va avoir son frère avec cela. Regardez, suivons-le tranquillement. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se, écoutez bien, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents. Vous avez vu cela? Je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Donc, il voulait calmer d'abord ça. Parce que si Jacob, si Esaü le trouvait d'abord bien, il devait d'abord le boxer, saccager d'abord pour calmer la colère qu'il avait gardée depuis, avant de voir maintenant ce qu'il a fait comme dégâts. Donc, il voulait que s'il accepte de le cadeau là-bas, Jacob et Esaü sont forcément venus devant lui dire que j'étais gardé dedans. Heureusement que tu m'as calmé, j'étais calmé. Et il va tomber dans son piège. Jacob, vous ne le connaissez pas bien. Verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. C'est ici que ça devient intéressant par rapport à ce que nous allons devoir voir. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servants et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Maintenant, Jacob demeura seul, entouré ces passages. Entouré, Jacob demeura seul. Frère, il a laissé le matériel parti. Il a laissé la gloire, les serviteurs partir. Il a laissé ses femmes partir. Il a laissé ses enfants partir. Ses femmes ne comprenaient pas l'angoisse. Même sa femme dit que tu veux toucher la joue, que ouais, chérie, tu n'as pas mangé depuis le matin, mange. Il va les regarder comme ça, il dit que je n'ai pas l'appétit. Parce que ce qui est à l'intérieur là est terrible. Même si tu prépares n'importe quel, même si le ndolé avait le moru, ça ne doit pas résoudre le problème à cet instant là. N'est-ce pas la soeur Monique? Jacob. Ah, Junior, tu peux amener le ndolé là. Hein? Oui, tu as trop entendu dans les enseignements. Jacob demeura seul. Pourquoi il demeure seul? Parce que c'est son problème, il avait créé ça seul. Il va résoudre ça quoi? Seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous y êtes, frère? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc là, c'est moi, regardez, on s'est commencé à lutter. Le boxer. Il a boxé. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Souvenez-vous de la personne qui en a parlé ainsi. C'est Jacob, c'est le prophète. Donc c'est lui le représentant de Dieu sur la terre en ce moment-ci. On appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si cet homme-ci, cette personne-ci, Jacob demande la bénédiction de cette personne est supérieure à lui. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jacob demande, il dit, je ne peux pas te laisser partir sans que tu ne m'aies béni. Souvenez-vous une fois de plus, il a déjà les cheptels, il a déjà les brebis, ainsi de suite, en abondance. Ce n'est pas de cette bénédiction dont il a déjà parlé. Il ne cherche plus le matériel. Il y a un problème dans son âme qu'il veut résoudre. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Cette personne-ci lui a dit que la bénédiction est liée à ton nom. Donc, c'est ton nom qui cause le problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord, frère? Il a dû demeurer seul, pour faire face à cette situation. C'est ce que Anne a fait. Jésus dit donc, déchargez-vous sur lui. Il n'a pas dit qu'on parle chez les pasteurs, on n'a pas écrit les culs d'âme, qu'on cuit ton âme. Même si on cuit n'importe comment, quand tu vas sortir, tu vas savoir que c'est Dieu là, que le canard de ça est Dieu. On ne doit pas curer ton âme. Vous comprenez? Voilà. L'angoisse, quand l'angoisse est dans l'âme, écrivez sur une feuille de cuir dans pour la sanctification de notre vie. Mon père était sorcier, son nom veut dire Jabok-tok. N'importe quoi, faites n'importe quoi. J'ai fait ceci, j'ai couché avec tel homme, j'ai couché avec marabout, j'avais pris mon sang, fait comme ça. Faites tout ça. Quand vous avez fini d'expliquer, vous avez fait ce qu'on appelle la psychologie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la sanctification. Pour que quelque chose quitte là-bas dedans, il faut l'apport du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit agir. Lorsque vous avez fait le cuit, d'abord on a curé ton âme, ce n'est pas cuit. Le feu n'était pas bien bon là-bas. Alors la Bible déclare, verset 27, il lui dit, quel est ton nom? La question, quel est ton nom, veut dire, c'est ton problème là. Ton vrai problème, c'est ton nom. C'est ton nom qui t'a engendré le problème. Tout ce que tu traverses depuis là, c'est ton problème. Vous voyez cela? Voilà. Maintenant, et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. En fait, quand Jacob dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Souvenons-nous, j'ai dit, les bénédictions financières, il a déjà. Il a les enfants, tout ce qu'un homme peut vouloir. Il a les serviteurs, il a la nourriture en abondance, il a la femme, il a l'enfant. Qu'est-ce qu'il peut vouloir encore comme bénédiction? Il a dit, délivre-moi de cette angoisse. Cet homme-là lui dit, le problème, ce qui te pose problème, c'est ton nom là. Tu t'appelles Jacob, c'est ton problème. Et l'homme a décidé effectivement de le bénir. Il dit, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Dieu, dans la nuit où il a passé seul à seul avec Dieu, lui a donné la victoire sur les hommes. Dans le combat, amen. Ce qui va se passer sur le plan physique dans la journée, il a eu la victoire dans la nuit. Parce que Dieu lui a donné le résultat, que tu as la victoire sur les hommes. Donc, amen. Pour dire, aucun homme ne craint pas ton frère, c'est ce qu'il a en train de dire. Ne crains plus ton frère, tu as la victoire sur lui. Parce que non seulement tu as allé avec Dieu, dans la prière avec Dieu, tu as pu obtenir la victoire sur lui. Amen. Amen. Frère Junior. Oui. J'ai un questionnement. Oui. Est-ce que ça suppose que si on ne lui avait pas donné le nom de Jacob et qu'on lui avait donné un autre nom, un nom autre que Jacob, oui, il n'aurait pas usurpé le titre, je ne sais pas, il n'aurait pas volé la bénédiction, il n'aurait pas usurpé du droit d'aînesse de son frère? C'est bon, ma soeur, c'est bon. Comme le droit d'aînesse doit être volé, pour que le dessein de Dieu subsiste, le nom. Pourquoi? Pour que le dessein de Dieu subsiste. Tu as compris ce qu'il dit, ma soeur? Ce qu'il veut dire? Il ne peut pas faire autrement que d'être désappelé Jacob. Parce qu'il est là pour un but, pour manifester une partie de la divinité. D'accord, ma soeur? Maintenant, okay. Si il prend le cas de Job, Job vous avez dit persécuté. Tu as vu ce qui lui est arrivé, non? Tu vas me dire, non, si on n'appelait pas Job, il ne devait pas être persécuté. Le nom était prophétique pour lui. D'accord, ma soeur? Prenez tous les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, regardez leur nom, regardez le ministère, vous allez voir que c'est intimement lié à ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Et nous autres. Alors, on continue, si tu es dans quel verset biblique? Alors, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc il lui pose la question, moi je ne m'appelle pas moi Jacob mon cher, c'est ton nom qui a des problèmes, mon nom n'a pas des problèmes. La Bible déclare qu'il l'a béni. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été quoi? Sauvée. Que Dieu vous bénisse. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui a l'emboîture de la hanche. Allez demander ça aux enfants d'Israël d'aujourd'hui, mangez ça bien. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc la Bible nous dit clairement là que c'était Dieu qui luttait avec Jacob. Il a boxé bien. Chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il avait là la victoire sur le plan spirituel. Maintenant, ce n'est que l'accomplissement de la réconciliation. Et ici, ça prophétise la réconciliation qui va avoir lieu entre les Juifs et les musulmans plus tard. Mais Jacob leva les yeux et regarda et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête, écoutez bien, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Que vous-même, je ne voulais même pas dans la famille. On vous est seulement venu comme ça là. Si on vous tue d'abord, on tue. Qu'on protège d'abord mes enfants. Vous parlez de l'homme. Quand l'homme veut résoudre son problème, hein, regardez. Puis, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Donc, allez, votre groupe, si on vous décime, c'est bon. Puis, Léa avec ses enfants. Vous avez vu? Et enfin, Rachel avec Joseph. Oh, les autres enfants sont nombreux. Rachel, celle qu'elle a aimée, quand elle est au puits, là, elle est tombée amoureuse. Il avait les yeux délicats. Léa avait les yeux délicats comme ça. Là. Quand elle était regardée comme ça, comme midi 14h, il a dit que va d'abord devant, si on te tue, mon Rachel reste. Verset 3. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Imaginez un vieil en train de faire comme ça là. Esaïe, écoutez, Esaïe courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Donc la haine s'est transformée en réconciliation. Voilà ce que Dieu peut faire. Esaïe, levant les yeux, fit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a accordés. Aujourd'hui, les gens disent que non, non, c'est moi qui ai beaucoup fait l'enfant. Ils disent que c'est Dieu qui a accordé, Dieu qui a accordé, c'est Dieu qui accorde l'enfant, pas les marabouts, pas l'insémination artificielle. Verset 6. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Et Isaïe dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaïe dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, vous voyez ça? Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au verset 24 du chapitre 32. Verset 24. Gardez-vous à l'esprit, Jacob demeura seul. D'accord? Verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui. Écoutez. Et Esaü accepta. Quand il a accepté, c'est terminé. Écoutez bien. Esaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Esaïe dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je touche seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Esaïe reprit le chemin d'Esaïe. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Haram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela du nom de El Elohe Israël. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, il a négocié parce que son frère a pris son trésor, son bien. Il est parti. Il a dit que va, j'arrive. Il n'est jamais plus parti là-bas. Il avait résolu son problème. N'est-ce pas, frère? Mais quelle est la manière dont il est arrivé jusqu'à résoudre ce problème-ci? Il est allé devant Dieu pour résoudre ce problème-ci qui l'angoissait. C'est là où on voulait aller. 1 Samuel chapitre 2 maintenant. Souvenez-vous encore de ce que Jean le dit. Si vous avez des problèmes et que ça pèse votre cœur, les pleurs ne seront pas le problème. Vous angoissez, vous faites chup, chup, chup. Ça ne servira à rien. Dieu a fait une chose en nous que ça ne peut pas finir, c'est les larmes. Vous pleurez même pas 4 jours, les larmes vont toujours couler. Il n'y a pas une confrontation de l'eau dans votre tête. Ça va seulement sauf que sortir. Quand vous allez pleurer, pleurer, pleurer, ça va vous faire de mal de tête. Vous allez prendre des calmants, vous allez comprendre qu'il faut que vous calmez. Mais la solution, c'est de se décharger sur le Seigneur. Alors nous étions dans le livre des Nombres et nous avons dans le livre de 1 Samuel et on a vu que ça quoi ça Anne avait des difficultés à enfanter. Elle a invoqué Dieu devant l'autel à Silo au point où le serviteur de Dieu est venu pensant que elle était sous. Elle a dit que Anne a dit que toutes les femmes qui boivent l'alcool sont des femmes perverties. Qu'elle n'a pas bu de vin, elle n'a pas bu de liqueur enivrante. Maintenant, lorsqu'elle est rentrée, continuons dans la lecture dans le chapitre 1, on voit ce qui arrive, ce qui est arrivé. Verset 16 encore. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Nous sommes au chapitre 1 de 1 Samuel. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, si vous avez le chagrin et la douleur, parlez à Dieu jusqu'à ce que ça quitte. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ce n'est, vous voyez, je vous ai dit que quoi tout à l'heure? Que l'homme ne peut pas porter ton chagrin. Tout ce qu'il peut te dire, il faut seulement dire, va en paix, sois courageux ma soeur. Tiens bon, ça va aller. Que Dieu te soit en aide. Après, il te dit même souvent même un mensonge, qu'il veut prier pour toi. Lui-même, sa part ne le laisse pas. Vous voyez, le Dieu, le serviteur n'a pas dit ce qu'il veut prier pour toi par derrière. Non, non. Comme tu as dit là. Comme tu as dit à Dieu là, qu'il t'exauce, vraiment qu'il soit en paix avec toi. Que Dieu bénisse. Verset 18. Il y a les enfants bavardent quelque part là. Verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Écoutez bien. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison. Arama. Le verset 18 finit par elle mangea et son visage ne fut plus le même. Cette bout de phrase, ce groupe de phrases montre clairement qu'elle est sortie là-bas déchargée. Quand vous êtes déchargé devant le Seigneur et que vous êtes arrivé à ce niveau-ci, même si même si les situations sont devant vous physiquement, même si physiquement vous n'avez pas vu le résultat, vous savez très bien que dans l'esprit, vous êtes enceinte de l'enfantement de ce que vous avez demandé. La Bible déclare, écoutez, vous avez un mari qui vous dérange. Allez devant le Seigneur, traitez-le là-bas, comme ma femme me fait souvent là. Traitez-le là-bas. Vous allez voir ce qui va en arriver. Donc, tu déranges souvent ta femme. Je qu'elle a besoin d'aller devant le Seigneur. Comme par exemple, la sœur Aristide dit qu'elle vient parler avec moi et je dois passer du temps avec elle pour parler au lieu d'aller chez ma femme. Donc, tout à l'heure, comme je dis, on devait parler là, je vais la voir pour ne pas avoir de problème, n'est-ce pas, ma sœur? Est-ce que être avec moi veut dire que tu la déranges? Non, peut-être pendant ces moments, elle voudrait que je sois à côté d'elle, par exemple. Tu penses quoi là? Non, elle va comprendre. Ah non, ah non, elle ne veut pas. Est-ce que c'est pour la bonne cause? C'est donc ça que je suis en train de parler. Vous voyez, parce que pour la bonne cause, mais l'autre était venu devant Jésus, il a dit que ma soeur, elle ne fait qu'écouter la parole, il ne fait qu'écouter la parole, alors que je suis à qui en train de travailler. Elle travaille comme ça la nourriture que tous devaient manger. Jésus a dit que quitte là-bas, tu déranges. Mais il a quand même mangé la nourriture là, non? N'est-ce pas, ma soeur? Alors, souvenez-vous de cela. Vous avez des maris qui dérangent. Si vous êtes dans cet état, ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas, traitez-le en prière. Il va quitter, aller quelque part, rentrer. Vous savez, souvent il travaille, ma femme dit, oh, et puis je suis là, que Saint-Esprit, tu ferais mieux d'aller, dépose ça, va la rencontrer. Et puis je suis obligé de déposer la Bible là, rentrer, lui, chérie, oui, il t'écoute. Il dit, reste là. Vous entendez ça, frère? Alors, la façon dont de se décharger devant le Seigneur importe. Vous pouvez avoir le résultat sur vous. Ce résultat, c'est que, à quand vous avez fini de vous décharger, lorsque vous vous levez de là, ou bien lorsque vous l'avez fait, la paix envahit votre âme. C'est ce qu'il a promis dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit que en toute chose, vous faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il dit, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance, gardera vos pensées en Christ, votre cœur. Ça veut dire que la paix de Christ vient envahir votre âme, malgré qu'il n'y a pas de solution. Vous dites, vous allez vous surprendre vous-même que vous n'avez pas quelque chose à manger, mais vous êtes en problème. C'est que vous chérissez. Vous ne voyez, ce n'est pas ça qui vous attire. Vous sentez tout simplement qu'il y a une bonté qui vous entoure, mais vous ne savez pas quoi. Toujours dans la joie. Dans la joie. Alors, à ce moment-là, vous allez voir, si votre mari vous dérange, il dit que, après qu'elle va rester quelque part, il va dire que, mais j'ai fait que je suis à cette femme, si elle est toujours en joie, elle chante toujours les cantiques. C'est quoi? On a lavé son cerveau. C'est pas le cerveau qu'on a lavé, c'est son cœur. On a lavé son cœur. Amen. Donc, faites l'effort que le Saint-Esprit vous fait le lavage du cœur, pas le lavage du cerveau. Chapitre 2, donc, maintenant. Alors, souvenez-vous donc de tout ce qui s'est passé. Elle s'est déchargée. L'homme de Dieu est venu le rencontrer. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait donner en disant que va et que Dieu te soit favorable, qu'il te donne le fils comme tu lui as donné, le quoi, la prière comme tu lui as donné, qu'il t'exauce. La Bible déclare. On y va. On y va, frère. Oui. Verset suivant. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Vous avez vu ça? Nous sommes au verset 20 là. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Donc vous voyez effectivement que tout ce que vous faites à 4, 5 heures là, c'est votre jeu. Quand les médecins ont dit que le moment de ponte ovulaire, il faut que l'ovule soit en tel moment. Quand la femme a la température, c'est que c'est au moment de l'environnement maximum, c'est le moment par excellence. Faites ça midi à 14h, 24h sur 24, vous allez voir si Dieu a dit que ça n'entrera pas, ça n'entrera pas. Entre-temps, s'il arrive que tu dis que, ok, il faut que j'évite pour ne pas tomber d'enfant. Non, il faut qu'on fasse un planning familial. Dieu lui-même, oh, franchement, ah, le retour de couche, non. J'ai calculé, après, le pont est ovulaire entre le 11e et le 14e jour. J'évite, j'évite. C'est que quand tu vas faire comme ça, même au 4e jour de ta règle, tu vas tomber enceinte. Quand il veut que tu tombes enceinte. Il y a les enfants qui bavardent chez quelqu'un là. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient de. Donc, ouais, effectivement, c'est le Seigneur qui prend le spermatozoïde, comme David a dit dans ce psaume 139. C'est Dieu qui forme l'eau. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Voilà pourquoi, si quelqu'un enlève un enfant pour jeter, il a des problèmes avec Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, c'est elle qui a donné le nom de Samuel. Et sur ce nom-là, c'est comme ça que Dieu va l'appeler. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Vous voyez que le Saint-Esprit ne parle plus des péniels qui disaient que bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. On a fini avec lui, avec elle là. Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Vous parlez d'un mariage heureux. Si c'était ici aujourd'hui, c'est que l'homme va dire que non. Les enfants de son âge, ils pas servi Dieu quoi. Tu as vu quelqu'un servir Dieu à l'âge de quel âge comme ça là? C'est à l'âge de 20 ans que les Lévites entrent en service. Oh, laisse les gens tranquilles. Laisse l'enfant fréquenter, dis donc. Il faut que l'enfant trouve sa vie. Les enfants vont jouer au ballon, aller au manège. Quand tu parles. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voix, c'est vrai. Veille seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sèvra. Quand elle l'eut sèvré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Écoutez très attentivement, frère, je sens de vouloir répondre à la question maintenant. Ça, c'est Anne qui parle sur le plan charnel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Puisse Dieu exaucer la prière de son peuple. Je crois qu'on va sortir de cet enseignement-ci par des prières. On va sortir par des prières ce soir. Puisse Dieu exaucer la prière faite à son peuple. Vous allez prier ce soir. Puisse Dieu vous exaucer. Amen. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est semblable comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul ne sait comme un éternel. Il n'y a point. Tu entends ça, ma soeur Monique? Puis dit, elle dit, ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Anne s'adresse à qui ici? Vous dites que c'est Anne qui a de prier, c'est qu'Elie va la gifler comme ça, que tu t'adresses à qui comme ça? Parce qu'elle est là avec Elie et des choses comme ça sont en train de parler. Alors, Anne est remplie du Saint-Esprit, exactement comme le fit Élisabeth à l'issue de son l'exaucement de son enfant. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a parlé, parce que là, il va commencer à donner les prophéties. Remarquez très exactement que Anne n'avait pas fait le plan physique, elle n'avait pas des ennemis, elle avait un ennemi, ou bien une ennemie. Mais ici, on parle des ennemis. Parce qu'en réalité, ennemis. Les personnes qui viennent pour vous persécuter ne sont pas gouvernées par, exemple, par un seul démon. Ce sont des cohortes qui sont coordonnées. La Bible déclare, ceux qui étaient rassasiés, regardez bien, non, verset 3, ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions, sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Vous voyez la prophétie, sa frère? Vous voyez la prophétie qu'elle fait? Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait vous mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il relève. Ça, c'est la prière ça, que quelqu'un va faire au niveau de l'enfant. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage du trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Comment on peut savoir que c'est sur la colonne qu'il a posé le monde? Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la science. L'homme ne triomphera jamais par les recherches scientifiques ni par l'innovation. Donc, Anne nous montre par ici que si on se soumet entre les mains du Seigneur, le Saint-Esprit parlait au travers de nous. Pour... Souvenez-vous qu'il n'a pas parlé en langue. Elle priait comme ça par le Saint-Esprit. Et là, elle a parlé les paroles prophétiques exactement comme Zacharie l'a fait, comme Isaïe, comme Élisabeth l'a fait, comme Anne et comme Marie l'a fait. Marie, la mère du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut qu'on prie. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Mais frère, avant de prier, okay. Dis-moi, le verset, parce que la question où j'en venais, c'était par rapport à le verset 5, où elle parle de même la stérile enfant cette fois. Je te voyais venir, de quoi? Hein? Oui. De quoi parle-t-elle ici? Il faut d'abord comprendre tout ce qu'elle parle dès le départ. Elle s'adresse à qui d'abord? Qui en est de parler? Donc, quand Dieu visite une personne, aucune chose n'est un obstacle. N'importe quoi est ôté. Même celle qu'on pourrait dire stérile peut enfanter plus de 7 fois. D'accord, frère? Il suffit que le Saint-Esprit, il faut que la personne soit en accord. Parce que l'homme ne doit pas triompher par la force. Donc, aucune chose que l'homme peut faire, ne peut faire par la force. Mais quand c'est le Seigneur qui est là, le Seigneur élève. Et même celle qu'on dit qu'elle est stérile, Dieu peut la faire enfanter 7 fois. Tandis que celle qui avait la maison pleine devrait se flétrir. C'est ce qu'elle a dit de dire. Donc, en réalité, elle nous conseille de faire confiance au Seigneur. Amen, amen. Quand cette confiance, j'arrive là, ma soeur Monique, cette confiance ne veut pas dire Seigneur, je te fais confiance en fermant les yeux comme ça, c'est pas ça. Ça doit être vrai sur le cœur. Si c'est pas vrai sur le cœur, ce que tu as dit de la bouche et que le cœur est contraire, c'est grave. Alors, lorsque c'est vrai dans le cœur, vous ne vous inquiétez plus de ce que les gens disent. Le vrai problème maintenant, c'est que les gens, certaines personnes disent Amen dans la relation avec la bouche comme ça avec l'extérieur, mais ça ne parvient pas à entrer dans le cœur, parce que dans le cœur il y a des contradictions, dans le cœur il y a des combats, et quand vous voyez cette personne à l'intérieur va prendre une autre décision, une autre façon de résoudre le même problème qu'il a dit qu'il a cru et remis en Dieu, c'est terrible comme manque de foi. Canada dans la sainteté, bonsoir. Assez Monique, tu voulais parler, tu te le parles alors. Alors, c'est pour rappeler à Frère Camille que Tu te souviens, on avait eu cette discussion-là et c'est presque la même chose que je lui disais. Alors, on peut prier. Oui. Regardez tout simplement les problèmes que vous traversez, ce que vous avez traversé qui a perdu et qui a su votre cœur. C'est seulement cela qu'on doit présenter au Seigneur ce soir. D'accord? Présentez un sujet. Un sujet, c'est pas quoi? Lorsqu'on, quand bien on va couper l'écran, on ne doit pas se parler. Continuez à prier cela devant le Seigneur, à lui présenter cela jusqu'à ce que vous couchiez avec cela sur votre cœur. C'est seulement ce que vous allez ou devez faire. Tendre Père, tes enfants sont réunis maintenant en ton nom. Et tu connais le besoin de chaque personne. Tu connais nos cœurs. Tu connais les affluents. Tu connais, ô Dieu de gloire, les tractations qui sont dans notre âme. Tu connais ce par quoi nous traversons. Beaucoup d'entre nous, Père de gloire, nous nous regardons dans le miroir. Nous nous habillons, nous sortons. Nous réunissons, nous parlons, mais au-dedans de nous, il y a des angoisses. Au-dedans de nous, nous souffrons. Je prie au Dieu de gloire pour tous les frères, pour tous les ceux qui m'entendent et qui entendent cette voix, de se remettre entre tes mains, de remettre leur confiance entre tes mains. Sinon, qui peut résoudre ce genre de problème, si ce n'est toi? Seigneur, je te prie au Dieu de gloire de les attirer, attirer leur cœur jusqu'à toi. Qu'ils restent tranquilles en silence, en gardant le silence comme Anne le fit, et que leur cœur se déverse au-devant de toi. Je prie, Père, de les décharger de tous ces soucis, de tous ces mots qui minent leur cœur. Pour ceux qui étaient dans des mariages, au Dieu de gloire, où la tempête se calme, où la tempête balançait de part et d'autre. Seigneur, c'est toi qui avais crié silence. Pour ceux, au Dieu de gloire, où il y a des tempêtes dans les belles familles, oh, je prie, Père, que tu les visites. Pour ceux qui n'enfantaient pas Dieu de gloire, tu as dit que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Et c'est toi qui as dit, oh, Dieu de gloire, que par ton esprit, tu fais enfanter plus de 7 fois. Accorde-leur la bénédiction. Je prie, oh, Dieu de gloire, qui manquait de paix. Tu es la paix, le prince de paix. Accorde la paix sur le cœur. Donne la direction à ton peuple. Tu as dit, ton peuple ne sera plus dans la confusion. Je prie Dieu que tu les bénisses. Je prie au Dieu de gloire que quiconque est sous l'influence de cette voix voit la rédemption de son sujet de prière. Je soumets ces requêtes au Dieu de gloire qui sont sur le cœur entre tes mains. Et je prie au Dieu de gloire que tu continues à les édifier dans cette voie-là, que leur cœur soit des instruments tranchants pour la prière et pour le contact devant ton trône. Je prie au Dieu de gloire que tu les amènes devant toi, afin qu'ils sachent, oh Dieu de gloire, qu'en dehors de toi, personne ne peut leur procurer la solution qui perdure pour toujours. Que l'homme ne peut pas compatir à leur faiblesse. Que l'homme ne peut pas remplir leurs conditions, mais que toi seul tu as pourvu et tu as pourvu à la croix pour leurs besoins. Je te les recommande entre tes mains. Je prie, oh Dieu de gloire, pour tous ceux qui sont sous l'influence de cet enseignement. Je prie que tu touches quelqu'un, que tu touches nos cœurs et que tu le ramènes à toi. Je prie, oh Dieu de gloire, que les problèmes les plus difficiles considérés par ceux-ci, je prie que tu les visites et que tu les rendes, oh Dieu de gloire, dans la mouvance de cette grâce que tu as répandue sur son peuple, ce que tu as donné à Anne. Je prie au Dieu de gloire qu'il y ait des témoignages tels que Anne l'a dit, que c'est pour ce sujet de prière que j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Je prie qu'il y ait de ces grands témoignages, Père, soumis à toi, répondu par toi, afin que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Père. Frère Camille, je n'ai pas très bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit qu'on danse avec quoi dans le cœur. Oui. Il avait donné une phrase. Avec le sujet, avec le problème qui te dérange, que tu dormes avec. Ah, d'accord, ok. Merci, ma soeur Monique. Merci. Take my hand, take my seat.